Et que haïn est la gang toine. Et que haïn est la yayong gang toine. Et que haïn est la yayong gang toine. Et que haïn est la yayong gang toine. Ike la hine la gongo trane, ike la hine la.